C'est cette envie qui me prend au son de tes deux mots. Sans aucun doute, pour toi très fort est mon âme. Pourquoi la vie nous freine-t-elle comme cela? J'ai mal, mon cœur est tout froissé. Mes yeux toujours saignent de cette eau qu'on n'aime pas. Mais une autre force m'empêche vers toi d'avancer. Je nous vois nos retrouvailles tant attendues. Nous élancer, nous écraser dans les bras l'un de l'autre. Et nous serrer si fort comme du jamais vu. À quand ce jour?